Nyang. Dimanche 30 janvier, auditrice, auditeur de la radio Isanganiro, bonjour. Voici les grands titres de cette édition. Les Burundais sont appelés à travailler pour augmenter la production. C'est un appel du numéro 1 Burundais. C'était ce samedi lors d'une rencontre avec les jeunes entrepreneurs au centre jeune Kamenge. Des passagers faisant des navettes Ngozi Kirundo demandent que les prix de transport soient fixés. C'est après la hausse du prix des produits pétroliers. Reprise des activités dès vendredi à l'abattoir de Gitega et c'était suite aux impayés d'une facture de 8 millions de francs burundais à la régie des eaux. Dans la chronique nutrition, vous aurez plus de détails sur les propriétés du chou. La mise en onde de cette édition est assurée par Innocent Bibonimana. Rebonjour et bienvenue. Le président burundais appelle la population burundaise à travailler beaucoup plus d'heures afin d'augmenter la production. Le numéro 1 burundais l'a dit hier samedi lors d'une réunion avec les jeunes entrepreneurs. Une réunion qui s'est déroulée au centre jeune de Kamenge, c'est en commune urbaine de Ntahangwa. Le président Ndayishimiye a en outre précisé que les métiers comme le commerce des arachides et du manioc ainsi que la vente du maïs grillé peut aider les travailleurs à avoir de quoi mettre sous la dent pendant le travail. Cependant, le gouverneur de la province Lumonge interdit la vente du maïs grillé sur les rues ainsi que la vente des feuilles de manioc, une mesure décriée par certains habitants de la province Lumonge. Dans sa correspondance du 28 janvier, Consolateur Nitunga avance plutôt des raisons de protection de la récolte. Le point avec Jean-Pierre Misago. Selon cette femme veuve qui vivait du commerce du maïs grillé, cette mesure vient compliquer sa façon de faire vivre sa famille. Elle indique qu'elle pouvait facilement louer une maison et payer sans difficulté les frais scolaires pour ses 5 enfants. Pour elle, l'administration devrait la laisser continuer avec son commerce et dans le cas contraire, lui proposer un autre emploi. Pour cet homme vivant du travail journalier dans la ville de Lumonge, l'achat des maïs grillés de passage sur la route lui permettait d'économiser et le temps et l'argent et voudrait lui aussi que ce petit commerce puisse continuer pour le bien-être familial. C'est là qu'ils se sont exprimés. Salut tout de même la mesure de vendre les feuilles de manioc au marché dont l'appartenance a été préalablement vérifié afin de stopper le vol de ces feuilles dans les champs. Une mesure administrative sortie ce 28 janvier 2022 à même temps que celle-là interdisant le commerce du maïs grillé sur la voie publique ou au marché dans toute la province de Lumonge. Jean-Pierre Misago de Lumonge, Radio Isanganiro. Parlons encore commerce, mais cette fois-ci en province Kirundo, où la population de cette province demande que les prix de transport, de déplacement sur moto et taxi, voiture soient fixés depuis la déclaration de la hausse du prix des produits pétroliers. Pour les déplacements au centre-ville de Kirundo sur les motos, dans les conditions normales, le client payait 500 francs, mais ce prix a été revu à la hausse. Le point avec Abraham Safari. Comme le signale la population de la province de Kirundo, spécialement celle résidant au centre urbain, des perturbations et spéculations se remarquent depuis le jour où le gouvernement burundais a déclaré officiellement la hausse du prix du carburant. Pour des gens qui se déplacent au centre urbain de Kirundo d'un quartier à l'autre, dans les conditions normales, on payait 500 francs et 1000 francs s'il y a la pénurie du carburant. Mais pour le moment, le déplacement au centre-ville est taxé entre 700 à 800 francs, mais d'autres sont restés sur le prix de 1000 francs. Pour ceux qui font des petits voyages de Kirundo à Ngozi ou vice-versa dans les voitures taxi, les prix dans la situation normale est fixé à 6000 francs, mais pour le moment, certains ont augmenté de 1500 francs, d'autres 2500, généralement dans les heures de la tombée de la nuit. La population de Kirundo demande au gouvernement de bien fixer les prix de déplacement pour freiner ces genres de spéculation et, si nécessaire, sanctionner des gens qui iront à l'encontre de cette cette décision. Les chauffeurs, quant à eux, se justifient en disant que le carburant reste encore problématique, raison pour laquelle ils doivent faire la hausse des prix pour avoir du bénéfice. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette édition à 13h02 dans les studios de la radio Isanganiro. Parlons cette fois-ci environnement. Les habitants de la commune Gihanga, c'est en province Bubanza, apprécient les travaux de curage de la rivière Kajeke qui avait débordé, détruite des champs l'année passée. Les cultivateurs demandent cependant qu'il y ait une canalisation moderne pour irriguer les champs afin que l'eau de cette rivière ne se perde pas. L'administrateur de la commune Gihanga tranquillise et précise qu'il y aura d'abord des études avant de redistribuer l'eau aux cultivateurs afin d'éviter d'autres dégâts. Le point avec Spes Caritas Kabanyana. Un cultivateur rencontré au bord de la rivière Kajeke apprécie les travaux de curage de cette rivière qui a été remise dans son lit initial. Il demande cependant que l'irrigation tout autour de cette rivière soit organisée de façon qu'il n'y ait pas de dégâts, sinon ce serait une grande perte pour les cultivateurs qui ont des champs rizicoles dans cette localité, comme il le précise. De son côté, l'administrateur de la commune Gihanga tranquillise et dit qu'il y aura d'abord des études pour voir comment irriguer les champs tout en protégeant l'environnement, les routes et les maisons. Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune Gihanga, met en garde les cultivateurs qui vont s'improviser et canaliser l'eau eux-mêmes et en désordre, qu'ils seront sanctionnés conformément à la loi. L'administrateur remercie les bienfaiteurs qui ont fait le curage de cette rivière, l'ONG Oxfam ainsi que la plateforme nationale de lutte et de prévention des catastrophes naturelles et précise que le coût global de ces travaux s'élève à 200 millions de francs burundais. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. De la commune Gihanga en province Bubanza, rendons-nous cette fois-ci en province Muyinga pour parler environnement. Certains habitants d'Ogakashi au quartier Swahili du centre urbain de Muyinga disent être satisfaits des travaux de l'agence routière du Burundi AEMB visant la stabilisation du ravin qui menaçait la route nationale numéro 6 et quelques maisons d'habitation de cette localité. Ils demandent que ces travaux couvrent toute la partie habitée. Des sources de cette agence indique que la partie qui ne sera pas stabilisée par maçonnerie et qu'on va y planter des bambous en collaboration avec la population environnante. Une correspondance signée Pierre Claver Barundi. C'est un ouf de soulagement pour certains habitants d'Ogakashi, situé au quartier Swahili, au centre urbain de Muyinga. L'agence routière du Burundi, ARB en sigle, est en train de stabiliser le ravin qui constituait une menace pour la RN6 et certaines maisons d'habitation. Nadia Ihanukizwe, une femme de cette localité, salue ces travaux. Nous accueillons très favorablement ces travaux, car cette route allant à Ngozi et à Bujumbura est une route importante pour notre pays, elle risquait d'être coupée. Les produits importés comme le ciment, les fers à béton et d'autres que nous ne fabriquons pas au Burundi passent par cette route. Ces travaux vont la protéger. Et pour nous qui habitons au bord de ce ravin, c'est une chance. Ce ravin nous faisait peur. Voyez toutes ces maisons. Elle risquait de s'effondrer dans ce ravin. Après ces travaux, ce sera bien. Une autre femme, qui a requis l'anonymat, ne cache pas sa joie, mais demande que ces travaux couvrent toute la partie habitée. Elle s'étonne déjà que ce ravin n'ait pas encore causé de dégâts humains et remercie le bon Dieu. D'après elle, le ravin fait très peur. Des sources de l'agence routière, on indique qu'une partie de ce ravin sera stabilisée par maçonnerie et le reste par la plantation des bambous en collaboration avec la population environnante. Pierre Clavel Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Quittons la province Muyinga pour nous rendre en province Gitega, au centre du pays, pour parler de cette reprise des activités à l'abattoir de Gitega dès vendredi de cette semaine du mois, après environ deux semaines qu'elle s'était arrêtée. Les consommateurs de viande se réjouissent de cette reprise des activités. Le mobile de la suspension des activités à l'abattoir de Gitega était la coupure de l'eau par la régie des eaux suite à des impayés des factures de plus de 8 millions de francs en burundais. Charles Havyarimana, un des représentants des bouchers de Gitega, indique que la commune Gitega et le gagnant du marché de réhabilitation de cet abattoir ont contribué à hauteur de 3 millions de francs burundais, le reste étant à payer par les bouchers par prélèvement de 2 000 francs et 500 francs burundais respectivement par vache et chèvre abattue jusqu'à l'épuisement de toute la facture. Et de Gitega, rendons-nous en province Ruyigi où certains jeunes entrepreneurs diplômés de la commune et province Ruyigi craignent pour leur développement. Ils parlent en effet de capitaux mobilisés qui restent insuffisants pour des projets conçus et qu'ils n'osent pas demander des crédits par crainte de traduction en justice. Et pour Anastase Mbonima, consultant en administration des affaires, la crainte de l'échec est l'un des obstacles à l'entrepreneuriat chez les jeunes. Le point avec Jean-Claude Chimilimana depuis Ruyigi. Après avoir manqué un quelconque emploi, Emmanuel Ndaïzeye, résident à la colline Gisoro en commune et province Ruyigi, dit avoir opté pour l'entrepreneuriat en commençant par le commerce. Je suis sorti de l'université du Burundi en 2018 dans la faculté des sciences économiques. Suite au manque d'emploi, j'ai emprunté un capital de 80 000 francs pour ouvrir un bar de vente de vin de banane. J'ai gagné jusqu'à avoir un capital de 300 000 francs et j'ai acheté des porcs. Ce bar me permet d'avoir l'alimentation de ces porcs et payer la main-d'œuvre pour les travaux champêtres. En plus de ce qu'il fait à titre personnel, il fait savoir qu'il s'est joint aux autres jeunes pour créer une association de couture. Même s'ils l'ont fondée, Emmanuel Ndaïzeye dit que l'entrepreneuriat chez les jeunes de sa colline reste problématique. Là où nous vivons, l'esprit entrepreneurial est problématique. Les jeunes d'aujourd'hui, nous craignons la perte. C'est pour cette raison que nous ne nous engageons pas dans l'entrepreneuriat et que nous craignons de demander des crédits. Un jeune préfère utiliser ses 10 000 francs pour éviter des problèmes en cas d'échec de son projet. Pour Athanase Mbonima, consultant qui a fait un exposé sur la gouvernance des affaires lors d'une formation organisée ce vendredi par l'université Burundi Shining Star University dans son campus de Nyamutu, Togo, en commune et province Ruyigi, la peur fait partie des obstacles à l'entrepreneuriat chez les jeunes et propose des stratégies pour y faire face. Il y a plusieurs obstacles à l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. Le premier, c'est la peur. C'est par ces formations que nous les aidons à vaincre la peur. Deuxièmement, il faut leur montrer l'expérience de ceux qui ont réussi. Troisièmement, il faut les sensibiliser au travail en groupe pour supporter ensemble les risques. Athanase Mbonima conseille en outre les jeunes à avoir confiance au gouvernement et à différentes organisations qui les aident surtout dans les formations et à créer des caisses d'épargne et de crédit. Jean-Claude Nshimirimana, Ruyigi, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Place à la chronique nutrition à 13h09 dans le studio de la radio Isanganiro. Le chou est un détoxifiant qui accélère l'élimination des toxines accumulées. Il intervient dans le traitement des maladies oculaires. C'est du moins des explications du chercheur nutritionniste qui confirme que ce légume prévient différentes maladies, y compris le cancer. Jean-Paul Louinez ajoute que la consommation d'une quantité comprise entre 200 et 250 ml de jus du chou guérit les maladies stomacales. La chronique nutrition est signée Omer Douayo. Le chercheur met l'accent sur le jus produit à partir du chou. Jean-Paul Luineza explique que ce jus prévient et guérit différentes maladies, dont celles liées à la vision. Comme le docteur Ernest Schneider, médecin du Canada, l'a déclaré, chez les patients soufflant dans les selles, au fait, ce patient qui prenait un verre de jus de chou frais, de 200 à 250 ml, 4, 5 fois par jour, le temps de cicatrisation de l'icelle s'est réduit à 2 semaines. Depuis 10, la douleur de l'estomac disparaissait quelques jours après avoir commencé à prendre le soju. Quelques cuillerées de jus de chou prises de l'estomac vide 5 ou 10 minutes avant le repas sont capables de soulager l'inflammation de l'estomac en quelques jours de traitement. Les fibres végétales alimentaires que possède le chou interviennent dans le traitement des maladies stomacales, ajoute le chercheur. Le chou, c'est un bon légume qui contient assez de nutriments très importants à notre organisme qui peuvent intervenir sur notre santé, voire même soigner certaines maladies. L'action la plus importante est d'étudier des éléments phytochimiques découverts dans les choux et l'action anticancérigène, mais nous pouvons probablement attribuer à ces substances acides prenantes d'autres effets médicinaux comme anticancéreux, antibiotiques, antidiabétiques. On doit utiliser le chou comme aliment médicament pour se soigner beaucoup de maladies. En cas de problèmes de l'estomac, surtout d'iricelle gastro-duodénale, la capacité cicatrisante des feuilles de chou sur la peau en application externe est en effet bien connue et prouvée depuis longtemps. Jean-Paul Uneza, chercheur nutritionniste, conseille les personnes en situation du diabète, du cancer et des troubles estomacaux de consommer le chou le plus de fois possible. Les personnes qui doivent manger le chou en abondance. Surtout les personnes qui souffrent des maladies des yeux, affections oculaires, parce que le chou contient assez de la vitamine C, vitamine A et les vitamines du groupe B. Ces vitamines sont très importantes pour la santé des yeux, pour les maladies oculaires. Et aussi des personnes qui ont des problèmes de se débalancer ou fumer du tabac. Ces personnes même doivent manger du chou en abondance parce qu'il y a des substances qui neutralisent l'effet de la benzopyrène, une substance qui est très responsable au développement des cellules cancéreuses. Pour que le jus du chou soit bénéfique à la santé humaine, le malade doit consommer un demi-verre tous les matins avant le repas dans une période d'une semaine. Merci à Omer Ndouayo et aux chercheurs nutritionnistes pour toutes ces précisions. Voilà, 13h03 dans le studio de la radio Isanganiro. Et ça s'achève cette édition de ce dimanche 30 janvier. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Innocent Koubguimana qui a assuré la mise en onde. Un très bon dimanche à tous. Au revoir. Mireille Kanyang. We'll be right back.